franceinter.fr. Bonsoir. Jacques Chancel recevait régulièrement dans Radioscopie des artistes, des écrivains, des politiques. Mais l'homme de radio aimait diversifier son émission en invitant des sportifs, des explorateurs, des aventuriers comme Paul-Émile Victor, Jacques-Yves Cousteau ou encore l'incroyable spéléologue Michel Siffre. En remontant au début des années 70, il est possible d'entendre des pionniers du début du XXe siècle qui avaient risqué leur vie dans un domaine encore inconnu, inexploré. C'est le cas d'Adrienne Bolland, reçue par Jacques Chancel le 19 avril 1972. Cette incroyable aviatrice avait survolé en 1921 la cordillère des Andes avec un petit monomoteur de 80 chevaux, un exploit digne de ceux de Louis Blériot, Roland Garros, Charles Lindbergh. Mais dans quelques instants, vous allez également découvrir une femme antimilitariste, humaniste, qui a milité pour le droit de vote des femmes et s'est engagée dans la résistance sous l'occupation. Vous êtes madame d'une espèce rare, 50 années durant, et vous avez prouvé que l'on pouvait tout oser entre ciel et terre. En 1921, vous avez été la gloire d'une aventure aéronautique. À ce moment-là, Adrienne Bolland, vous avez traversé pour la première fois la cordillère des Andes, de Mendoza, en Argentine, à Santiago du Chili, par des voies aériennes que suivirent plus tard Guillaume, Mermoz et Saint-Exupéry. Alors, quelle femme étiez-vous vraiment? Vous me posez une question que je me pose tous les jours, parce que je ne sais pas du tout la femme que je suis. J'essaie de le savoir. Je ne sais pas si vous êtes arrivé à vous connaître, mais moi, jamais. Je suis un mélange, comme tous les humains, de mauvais, de moins mauvais, d'abominable et de peut-être de un petit côté merveilleux, je n'en sais rien. Vous n'avez jamais su vivre en rase-motte? Bah, vous savez, ça... Le rase-motte, ça c'est une chose qui m'a toujours plu d'abord, parce que c'était défendu. C'est merveilleux les choses défendues. Vous avez toujours fait des choses qui étaient défendues? Ah, toujours. Moi j'ai pas de principe. On prétend que je suis amoral, c'est possible, mais vous comprenez, déjà très jeune, j'ai compris que les principes, on vous foutait des principes pendant plus de 20 ans, on met plus de 20 ans à les perdre. Et après, la vie est, elle, en partie passée et foutue. Alors moi, dès le départ, j'ai fichu ça en l'air. Mais on dit à Adrienne Bolland, une pionnière de l'aviation. Il y en a d'autres. Ah oui. Mais vous avez été quand même l'une des gloires de cette époque. Bon, vous savez, peut-être que c'était une époque où il ne fallait pas grand-chose pour avoir la gloire. C'était autre chose que maintenant. Vous pensez que les choses sont plus difficiles aujourd'hui? Oh, ben c'est pas du tout la même chose. Moi, je suis venu à l'aviation, dans une aviation d'abord qui me plaisait, parce que ce qui passe avant tout pour moi, c'est la liberté. Et on était libre. Une fois qu'on avait décollé, on se foutait pas mal de ce qui se passait en dessous. N'est-ce pas? On n'avait aucun contact avec la terre, il n'y avait pas de tour de contrôle, il n'y avait rien. Et on était maître après Dieu, ça, absolument. Ça me plaisait. Vous étiez insupportable, la terre. Oh oui, oh ben j'étais pas vivable. Vous le reconnaissez vraiment? Bah oui, mais bien sûr, mais ça, qu'est-ce que vous voulez, ça fait partie de mon tempérament. Peut-être que si j'avais été une fille sage et rangée, enfin ce qu'on appelle une véritable jeune fille, ben j'aurais pas passé les Andes. Comment vous rappelez-vous cette année 1921? Est-ce que c'était d'abord un 1er avril? Oui, c'était le 1er avril. C'est pour ça que le ministre de France n'était pas venu me dire bonjour en arrivant. J'avais vu tout le monde, j'avais vu tous les corps constitués étrangers, sauf quelqu'un de France. Je croyais qu'il n'y avait pas de Français, moi, à Santiago. Et puis, à 5 heures du soir, alors, un type s'est amené, moi, j'étais dans le bain. Alors, il a frappé à la porte, et J'ai pensé que c'était la femme de chambre. Il m'a dit, c'est le ministre de France. Ah ben, j'ai dit, monsieur le ministre, vraiment, je croyais qu'il n'y avait pas de Français à Santiago. Je suis contente de vous entendre. Mais j'étais à poil, puis j'avais laissé mes affaires dans la chambre. Alors j'ai mis une sortie de bain, et puis je lui ai sauté au cou. Après, j'ai eu regret parce qu'il n'était pas appétissant. Pourquoi vous êtes-vous attaqué à la Cordillère des Andes? C'était un pari? Un pari plutôt avec moi. C'était, au fond, ça a été le fruit d'un défi. Quand je suis arrivé à Buenos Aires, il a été question que j'essaierais peut-être de passer les Andes, mais la Maison Caudron devait m'envoyer un autre avion. Pas avec le rafio que j'avais. Et puis comme on s'est mal compris, on avait bu beaucoup de champagne le jour de l'arrivée, enfin, le lendemain dans les journaux, qu'on m'a lu parce que je ne parlais pas un mot d'espagnol, j'ai vu que j'étais venu pour traverser les Andes. Alors quand la Maison Caudron m'a déclaré qu'elle ne pouvait pas m'envoyer d'avion, j'ai dit, ben, je passerai avec le rafio que j'ai, je m'en fous, j'ai essayé. C'était un appareil très frêle lorsqu'on le compare aux avions d'aujourd'hui. Oh, ben c'était une vraie cage à poules, et puis c'était un avion dont le type, je ne dis pas l'avion lui-même, mais le type datait de 1913. Et nous étions en 21. Il développait combien, 80 chevaux? Alors oui, péniblement, parce que j'avais encore des pistons de fonte et il les faisait... Vous savez, c'était 80 bourricots. Mais vous étiez à l'aise dans cet avion, il n'y avait pas d'instrument de bord, vous pouviez flâner, regarder le paysage. Ah, ça c'était merveilleux. La liberté. La liberté. La liberté. Mais dans les Andes, cette liberté était un peu fraîche. Parce que, vous savez, j'étais de sortie de l'avion jusqu'à la ceinture. Et comme je n'avais pas eu d'argent pour acheter des lainages pour traverser, alors j'avais pris des vieux journaux, ça me coûtait moins cher. Et puis je me suis garni de vieux journaux, j'ai vu comment je suis arrivé à Santiago, alors avec mon revolver, mon poignard et puis mes journaux, des oignons parce que j'avais pas de masque pour respirer normalement. On m'avait dit, les paysans, il faut manger de l'oignon. Alors j'avais dans la poche de ma combinaison un oignon que j'avais coupé en petits morceaux. Et puis je bouffais de l'oignon, je devais sentir bon à l'arrivée. Hein. Vous aviez quel âge à ce moment-là, Adrien Bolland? 25 ans. Vous vouliez prouver que les hommes n'étaient pas supérieurs aux femmes. Le départ, vous savez, le départ de l'aviation, c'est, au fond, c'est un sentiment d'orgueil. Je voulais savoir, j'ai dit, si un jour je saurais peut-être ce que c'est que la gloire. J'ai été bien déçu, du reste. Vous étiez passionné par la gloire à ce moment-là? Oui. Attiré, en tout cas. Attiré, oui. Pas passionné. Et puis, c'est l'aviation, après, qui m'a passionné. Pourquoi dites-vous, je me suis aperçu après que la gloire c'était peu de chose? Vous avez été déçu? Ah oui, j'ai été déçu. Parce que j'ai vu que c'était rien du tout. Vous savez, la gloire c'est une chose qui vous dégoûte de l'humanité. Les mêmes personnes qui me traitaient de folle et qui me disaient que je ne pouvais pas passer la cordillère, que je desservais la France... Eh bien, ces mêmes personnes me disaient au retour, nous savions que vous alliez passer, nous savions que vous étiez capable de le faire. Enfin, vous savez, un tas de conneries qui me révoltaient. Les choses n'ont pas changé. Oh, mais l'humanité est toujours la même. Pour plaire, il faut réussir. Bien sûr. Bien sûr, seulement je n'ai pas eu que des réussites. Mais cette aventure, ça n'était pas tout de même un peu de folie? Oh, mais c'était de l'inconscience. Mais... Une inconscience consciente. Consciente, oui, c'est cela. Parce que je n'ai jamais, mais jamais, je vous le dis sincèrement, pensé avant le départ, je ne me suis jamais vu arriver à Santiago. Jamais. Donc vous avez opéré, en fait, 10 ans avant Mermoz, avant Saint-Exupéry. Oui. 7 ans. Ouais. Mais comment vous regardaient-ils les hommes? Eh bien, j'avais quand même de très bons camarades. Quelquefois... Il y avait quand même des petites piques, mais nous nous aimions beaucoup. C'est un bel exemple de ténacité, ce que vous avez fait? Oh, c'est un exemple pour personne. Vous savez, c'est un exemple de ce que l'on peut faire étant jeune. Il ne faut pas attacher à la vie un prix extraordinaire. La vie, pour moi, elle est valable lorsqu'on la risque pour une chose valable ou qu'on la met au service des autres. C'était valable? Oui, c'était valable. C'était valable parce que j'ai réussi. Sinon, on aurait dit, c'est une pauvre folle qui a voulu passer la cordillère. On aurait dit autrement, c'est un exploit inutile. Oui, c'est ça. Mais vous considérez tout de même que c'est un haut fait de l'aventure aéronautique. ce passage de la cordillère des Andes? Ben oui, moi ça ne m'a pas... 50 ans après. Mais moi, ça ne... sur le moment même, ça ne m'a pas fait cet effet-là. Vous savez, les choses qu'on réussit, elles paraissent toujours, à l'arrivée, très faciles. Pour vous, le mot impossible n'existe pas? Ah non. Non, non. Même à l'heure actuelle, vous savez, je regrette d'avoir l'âge que j'ai, mais quand même, je vis déchaîné, déchaîné. Qu'appelez-vous déchaîné? Oh, ben, je suis toujours dans l'opposition. Dans toutes les oppositions? Dans la contestation. Je rêve d'un monde, j'ai ma vérité à moi. Je ne dis pas quelle est la vérité, mais je la poursuis, j'aime ma vérité. Et je combats pour. Mais quelle est la vérité d'une femme qui s'appelle Adrienne Belland et qui, à 25 ans, a passé la cordillère des Andes, qui en a 77 aujourd'hui? Quelle est cette vérité? Cette vérité, c'est d'abord que... D'abord une expérience. Oh, j'y crois pas à l'expérience. Écoutez, à l'âge que j'ai, eh bien, chaque jour, il faut que je refasse une nouvelle expérience. Alors, quand je vois des parents qui parlent à leurs enfants en disant « nous avons l'expérience », ils ont l'expérience de rien du tout. Parce que la vie change tous les jours. Enfin, vous êtes venu à un moment où on pouvait réaliser de grands exploits. Aujourd'hui, il vous reste la Lune. Vous seriez prête Alors, vous savez, souvent j'ai pensé, au lieu de faire des expériences avec des animaux, des fois, pour voir ce que ça donne, pourquoi on ne prend pas des volontaires d'un âge comme le mien, n'est-ce pas? Quand même, qui pourraient dire quelque chose à l'arrivée. Et puis voir ce qu'un organisme d'un certain âge peut arriver à endurer avec dommage ou sans dommage, parce que ce qui se passe, ça m'est absolument égal. Enfin, la Lune maintenant est retrouvée, est découverte, il y a d'autres planètes sûrement qui vont être explorées, vous seriez tout à fait décidé à partir. Ah oui, moi j'aurais aimé ça, vraiment. Ça c'est une aventure merveilleuse, je pense qu'elle ne mène pas... Peut-être pas grand-chose pour l'avenir de l'humanité. Je ne crois pas beaucoup. Je n'ai pas cette espérance. Mais je pense que c'est utile, d'abord. Vous savez, de penser que l'humanité se réalise à ce point-là, c'est quand même du merveilleux. Il y a une contradiction avec ce que vous me disiez tout à l'heure. Vous me parliez du vieillissement et vous venez de me dire à l'instant que vous n'aviez pas changé. Ben oui, mais parce que vous ne m'avez pas connu à 25 ans. Je le regrette, hein. Oui, mais moi je regrette aussi. Mais vous savez, à 25 ans, pour me suivre, il fallait vraiment... Il fallait beaucoup de santé. Elles sont différentes des jeunes femmes d'aujourd'hui? Oui. Qu'est-ce qu'elles ont de différent? C'est-à-dire, elles ont affaire... Je parle dans mon métier, dans l'aviation. Elles ont affaire à une aviation très différente, très disciplinée, qui ne m'aurait pas plu du tout, du tout. Vous n'étiez pas discipliné? Ah non! Vous ne le serez jamais? Je ne le serai jamais. Moi, je fais ce que je veux. Ce que les gens pensent de moi, ça je m'en fous éperdument. Ah oui, vous m'avez dit que vous n'aviez pas de principe. Aucun. Vous ne croyez pas aux valeurs de la vertu? Mais où est-elle la vertu? C'est la première chose à savoir. Demande. Moi, je cherche où elle peut être, je n'ai jamais trouvé. Je connais ni le bien ni le mal. Mais vous avez votre propre morale. Oui, je sais qu'autour de soi, on peut faire ou du bien ou du mal. Ça, c'est autre chose que ces principes bourgeois, n'est-ce pas, qui vous enferrent dans des dogmes, dans des choses ridicules qui n'apportent rien pour l'épanouissement d'une vie. Est-ce que c'est le résultat de toute une éducation que vous pensez là en ce moment? Oh non, parce que j'ai eu une éducation tout à fait contraire à ce que je vous exprime de moi. C'est parce que j'avais ça en moi, j'avais certainement un royaume intérieur qui était différent de ce que étaient les filles de mon âge à l'époque où j'ai vécu. Moi, maintenant, les jeunes, quand ils contestent, ils sont en collectivité, ils sont en groupe. Mais moi, j'étais peut-être pas la seule, mais j'étais isolée dans l'endroit où j'étais. Alors, ça a été des complications pour ma jeunesse que, du reste, que je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout ma jeunesse, cette jeunesse-là. Parce qu'on confondait dressage et éducation. Alors moi, vous savez, le dressage, ça ne marche pas du tout. Vous êtes égaré donc dans la vie, en vous retrouvant. Oui, c'est que, en m'égarant que je me suis trouvé. Vous êtes bien trouvé? Oui. Vous êtes venu avec un de vos amis, qui est le général Raymond Barthélémy, qui a écrit aux éditions France Empire Le Temps des Hélices, qui vous consacre d'ailleurs de nombreuses pages. Vous êtes avec un général, là, aujourd'hui il est près de vous, et vous me dites, je suis antimilitariste. Alors il y a des choses que je ne comprends pas. Ah oui, oui, mais aujourd'hui, général Barthélémy, c'est un ami, mais ça, je suis tout à fait antimilitariste, et je l'ai toujours été. Et puis, si je ne l'avais pas été toujours, je le serais devenu après la guerre. Mais de toute manière, j'ai l'impression, Adrienne Bolland, que vous n'aimez pas du tout l'uniforme. Ah non, pas du tout. Vous ne l'avez jamais porté. Ah non. Ah non, ça, je ne porte pas d'uniforme. Et au contraire, je vous dis, quand j'en vois, je vous le disais tout à l'heure, quand je vois un type qui a, qui soit général, qui soit gendarme, qui soit flic ou n'importe quoi, eh bien, mentalement, je dis bien mentalement, hein, je le déshabille. Il reste rien. Ça donne de bons résultats? Oh ben il reste rien. C'est pas un homme qui m'impressionne, vous savez. Alors à ce moment-là... Dans Le Temps des Hélices, ce livre où l'on parle beaucoup de vous, Adrienne Bolland, on dit que vous êtes irrévérencieuse. Je disais tout à l'heure insupportable. Alors que veut-on dire par irrévérencieuse? Irrévérencieuse, ça veut dire que je parle comme tout le monde pense. Parce que vous, si quelqu'un vient vous importuner, qu'est-ce que vous allez penser, vous, dans le fond de vous-même? Et ne me dites pas le contraire, vous dites « il m'emmerde », n'est-ce pas? Eh bien, si vous vous exprimez vis-à-vis de quelqu'un, vous direz « on est venu m'importuner », etc. Voilà. Alors moi, je parle comme je... Vous employez les mots vrais. Les mots vrais, je n'ai pas le temps de traduire. Oui, mais on pardonne tout à une dame de 77 ans, ben, vous savez, même qui était une héroïne. Même quand j'en avais moi, il fallait... Je ne demandais pas de pardon, je faisais ce que je voulais, puis ça donnait ce que ça voulait. Adrienne Bolland, nous allons prendre une première pause musicale. Vous avez choisi vous-même Gringas, ce sont des flûtes indiennes ou chiliennes. Ça vous rappelle quelques souvenirs? Ah oui. Mon invité aujourd'hui est l'aviatrice Adrienne Bolland. En 1921, elle a traversé la cordillère des Andes à bord d'un frêle appareil, un Caudron G3, je crois. C'est ça. C'est bien cela. Jusqu'à quel âge voudriez-vous vivre? Oh, moi, je ne demande pas à vivre un instant de plus que maintenant, parce que j'aime mieux partir. Je suis relativement, tout est relatif, mais je suis quand même à peu près en pleine forme. On peut considérer que vous avez encore 20 bonnes années. Oh non! Jusqu'à 97 ans. Ah non, non, non, ça m'amuse pas du tout. Alors là, vous me souhaitez la chose que je détesterais le plus. Parce que le vieillissement, c'est une mauvaise foi. Oh, mais c'est affreux. Quelque chose d'affreux. Vous savez, toutes les... ce que je regrette de la vie, c'est pas tellement les choses que j'ai faites qui ont été jugées bien. C'est toutes les sottises de la vie qu'on ne peut plus faire. C'est ça qui est de merveilleux. Mais vous avez été comblée de ce côté-là. Ah oui, ça, je me suis comblée toute seule. Si l'on vous disait, on va prolonger votre vie, vous ne l'accepteriez pas. Ah non. Non. C'est que vous êtes fière de celle que vous avez vécue. La vie sans la jeunesse, ça devient, c'est une corvée. Parce qu'il y a des gens qui acceptent, mais moi, je n'accepte pas. Alors. Il faut savoir profiter de sa jeunesse. Oui. C'est un conseil que vous pouvez donner, vous. Il faut brûler la vie. Il faut, le bien comme le mal, il faut faire tout avec enthousiasme. Vous donnez de drôles de conseils. Le bien, c'est bien, mais oui, le mal... Je donne ma vie en exemple à personne. Hein. Pourtant, elle est donnée un exemple. Dans le monde aéronautique. Alors, vous savez, c'est leur façon de voir. Mais je pense que si toutes les femmes de la Terre avaient le tempérament que j'ai eu et puis le caractère que j'ai encore, eh bien... Ce serait une drôle de planète. Ah, vous avez fait une somme de souvenirs. Oui, vous savez, les souvenirs, c'est... Rien qu'à l'idée que ce sont des souvenirs, c'est pas très gai. C'est le passé. C'est le passé. Oui, mais le présent est quand même acceptable. Oh, mais moi, je vois déjà l'avenir. Je vois encore l'avenir. C'est-à-dire, vous voyez, pour des choses, par exemple, on parle de l'Europe, eh ben, je dis oui, mais tout ça, ça sera, c'est dépassé. Je vois déjà un état planétaire, moi. Pas l'Europe. Vous allez plus loin toujours. Je vais toujours plus loin. En une vie, vous aurez vu beaucoup de choses tout de même. Oh oui, que je ne pensais pas voir. Parce que lorsque nous étions ensemble avec des pilotes, on parlait, on faisait 1000 projets. Et on pensait, on disait un jour, il y aura des avions qui décolleront et qui emmenant 1000 personnes. Et, à 1000 à l'heure, c'était un rêve. On le voit presque maintenant. Je pensais pas le voir. Votre brevet de pilote, vous l'avez eu en quelle année? Votre premier brevet? En 20. En 20. Est-ce qu'à ce moment-là, vous pouviez imaginer qu'un jour, les hommes iraient sur la Lune? Ah non. Non. À ce moment-là, il y avait déjà M. Snopeltri qui faisait des essais de fusée. Il faut pas oublier que... Je ne sais pas si ça n'a pas été le premier, ou en tout cas un des premiers, qui ait pensé à se servir de fusée pour aller sur la Lune. Et moi, je pensais, j'ai dit, alors il doit avoir quelque chose qui ne marche pas bien, parce que avec ces fusées pour aller sur la Lune, comprenez, je ne pensais pas que ça, j'avoue, que c'était possible. Justement, Adrienne Belland, ces jeunes qui vous écrivent, quelles sont les questions qu'ils posent? Eh bien, on sent qu'ils sont attirés, eux aussi, vers l'aventure. Et alors, tous ces jeunes cherchent l'aventure. Et je trouve ça merveilleux. Et je ne voudrais pas que ceux de ma génération leur fassent croire, n'est-ce pas, qu'ils ont tout fait. Moi, j'estime que tout est toujours à faire. L'aventure, on la trouve partout. Il y a tout de même moins d'aventures qu'autrefois. C'est pas le même genre, mais écoutez, c'est merveilleux. La vie, c'est une aventure. N'est-ce pas? Il n'y a qu'à savoir, il n'y a qu'à ouvrir les yeux, il n'y a qu'à regarder autour de soi. Il n'y a qu'à la vivre, la vie. Naturellement, celui qui se colle les manches de lustrine et puis qui travaille le matin jusqu'au soir dans un bureau, alors il a les vues un peu limitées, mais il y a d'autres choses. Il est obligé de travailler de cette manière aussi. S'il n'a pas d'autres possibilités. Ça, c'est terrible. Vous comprenez? Alors, moi, je pense que là, il y a quand même des gens qui ne vivent pas, qui ne savent pas ce que c'est. Vous avez eu de l'audace, Adrienne Belland, mais peut-être avez-vous eu également la chance de votre audace. Mais bien sûr. Puis, vous savez, pour moi, ce qui compte pour classer un individu, c'est pas sa réussite, c'est l'effort qu'il fait. Eh bien, dans les moments où on fournit un effort, on est stupéfait de penser jusqu'où peut aller cet effort. J'ai eu des coups très durs dans l'aviation, puisque vous l'avez lu, je suis resté 18 jours perdu. Eh bien, on peut toujours aller plus loin. Et quand on ne peut pas aller plus loin, c'est qu'on est mort. Vous n'avez jamais désespéré? Non, J'avais pas beaucoup d'espoir, mais je désespérais pas. Mais vous avez eu peur. Oh ben bien sûr. Puis j'ai eu tout le temps peur dans ma vie. Mais moi, ça me plaît. Où j'ai peur, j'y vais. Aujourd'hui, vous avez encore peur? Ben, c'est-à-dire que si je vois un endroit où il y a un peu de danger, j'y cours. C'est malgré moi. J'ai besoin de trembler. Trembler, c'est vivre pour vous? Ah oui. C'est prendre sur soi, c'est... Parce que je n'ai jamais connu la peur panique. J'ai connu la lutte avec la peur. Et alors, ce qui me faisait plaisir, c'est que quand même, j'étais plus forte que ma peur. Vous avez peur maintenant de la tranquillité, parce que ce serait peut-être le commencement de la fin. Non, je ne l'ai pas, parce que par moments, on me prend encore pour un cheval, vous savez, avec tout ce qu'on me demande. Lorsque vous avez passé la cordillère des Andes, c'était un exploit. Aujourd'hui, les hommes vont dans la Lune, et on trouve ça parfaitement normal. Peut-être sommes-nous blasés. Le monde est-il... Oui, maintenant, je trouve qu'on se blase beaucoup plus vite. D'abord parce que les choses vont beaucoup plus vite. Parce qu'il faut se rappeler, vous ne pouvez pas vous le rappeler, vous n'étiez pas au monde, mais les premiers balbutiements de l'aviation, n'est-ce pas? C'était passionnant, c'était les premiers sauts qui ont été faits, les premiers décollages, dans les circonstances où ça s'est fait, c'était un conte de fées, c'était quand même la réalisation d'un des grands rêves de l'homme. J'ai bien compris tout à l'heure que vous ne vouliez pas aller 20 ans de plus, c'est-à-dire jusqu'à 97 ans. Mais si on vous disait, dans 20 ans, vous avez une chance d'aller sur la Lune, on vous offre ce voyage, vous seriez capable d'attendre? Ben, j'attendrai avec plus de plaisir, en tout cas. Mais ça, c'est certainement une chose impossible, parce que on ne voudrait déjà pas de moi maintenant, même pour faire une expérience à laquelle je suis toute prête. Vous lancez un message, là. Vous dites, je suis prête pour une expérience. Oui, une expérience, même au point de vue médical. Vous volez aujourd'hui encore? Non. Oh non. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est que l'aviation de maintenant ne correspond pas à mon tempérament. Parce que aussi... Trop confortable. Non, c'est pas ça. Mais c'est qu'on est relié au sol, c'est qu'il faut... On est forcé de parler, on se fait tirer par une tour, on demande quelque chose, on demande un renseignement. Moi, ce qui me plaisait, c'est que lorsqu'on avait décollé, c'était fini. On n'avait plus aucun contact avec la Terre. Et si on avait un contact, c'était quelque chose vraiment qui était sensationnel. Toujours ce goût de la liberté. Ah, ce goût de la liberté. Ne pas être accroché à quelque chose et à quelqu'un. Oui. Et pourtant, c'est important maintenant d'être relié. Alors maintenant, oui, c'est devenu indispensable. Mais nous, on avait des consignes. Mais enfin, des consignes, on nous disait qu'il ne faudrait pas décoller parce que le temps est très mauvais. Et ben, moi, je m'en foutais. Je disais, bon, ben, moi, il faut que je parte. Je sautais les arbres et puis, quand le moteur me plaquait, ben, je me posais dans un champ et puis c'était tout. Vous comprenez? Ça, c'était ma vie. Adrienne Belin, que disent de vous les autres femmes de votre âge? Ben, il n'y en a plus de... Pas beaucoup. Si, j'ai encore une amie, mais elle est tout de même plus jeune que moi. Je l'ai un peu moins connue que les autres dans sa carrière. C'est Yvonne Jourjon. Mais sinon, Maryse Bastier, Maryse Hills... Mais je ne pense pas seulement aux aviatrices. Je pense aux autres qui vous voient vivre... qui vous écoute parler, qui s'étonne de votre enthousiasme, peut-être? Non, parce que, vous savez, ils m'ont connu, j'avais un enthousiasme un peu débordant. On ne peut s'étonner de rien avec vous? Non, absolument de rien. Adrienne Belin, comment vous est venue l'idée de provoquer les mauvais génies de la montagne? Car c'était de mauvais génies, quand même, ceux de la Cordillère des Andes. Ben oui, moi j'ai voulu passer par l'endroit où les autres s'étaient tués, parce qu'on avait déjà passé les Andes, mais par le nord ou par le sud. Et par l'endroit par où je voulais passer, eh bien, ils s'étaient tués. J'ai dit, moi, je veux passer par là. Vous recherchiez les choses difficiles. Puis je voulais faire une première, c'était pas la peine que je prenne un risque certainement peut-être moins grand, mais du moment que je partais, je voulais faire quelque chose de propre. Vous me disiez tout à l'heure que lorsque vous avez réussi, tout le monde disait, mais on y croyait, on le savait. Pourtant, au départ, quelqu'un y croyait. C'était un médium, une voyante. C'est un médium que je n'ai mais pas demandé. C'est une histoire vraie. Oui, c'est tout à fait vrai. C'est une bonne femme que j'ai prise pour une folle parce que je ne l'avais pas demandé. Alors elle est arrivée, elle m'a trouvée à mon hôtel au moment où je partais pour Mendoza. Et alors, cette femme, je l'ai prise pour une dingue. Je lui ai dit, écoutez, moi je vais fumer une cigarette, pendant ce temps-là vous me racontez vos petites histoires, et puis après il faut me foutre le camp et la paix. Et alors cette pauvre fille m'a expliqué, enfin elle m'a fait un véritable plan de vol. Elle m'avait donné surtout comme point de repère ce fameux lac que je verrais, et effectivement la vallée dans laquelle j'étais tournait à droite, elle passait sur le lac, contournait la Concagua. Et quand j'ai vu le lac, j'ai dit, mais enfin, cette vieille folle, elle m'a quand même... C'est la vérité. Elle m'a dit que si je tournais à droite, j'allais me casser la gueule. Qu'est-ce que je fais? Mais enfin, vous savez, ça a été plus fort que moi. À gauche, je disais, je peux pas passer. Les montagnes sont plus hautes que moi. Comment je vais faire? Mais j'ai tourné à gauche. Et c'est là que j'ai trouvé cette fameuse fissure. J'ai débouché sur Santiago. Parce que les appareils chiliens étaient venus à ma rencontre. Des pilotes vous accompagnaient d'ailleurs, vous faisiez escorte à un certain moment. Mais non, pas du tout. Ça c'est une histoire encore qu'on a racontée. J'ai lu. Oui, c'est avec d'autres fausses nouvelles certainement. Mais en tout cas, quand je suis arrivé à Santiago, les garçons qui étaient venus, l'escadrille qui avait décollé pour venir à ma rencontre, étaient allés par le sud. Parce que tous les autres étaient arrivés par le sud. Et quand ils sont revenus, et moi j'étais déjà posé, on a dit, mais comment elle, on ne l'a pas vue? Non, parce que moi j'étais arrivé justement, directement sur Santiago. J'avais pas de carte, j'avais pas de compas, j'avais rien. Au pifomètre. Vous avez toujours mené votre vie au pifomètre? Oui. Cette voyante qui vous avait dit tant de bonnes choses, vous l'avez revue après? Oui, j'ai revue après. C'est comme ça que j'ai su que c'était un médium. Parce que, vous savez, je ne me suis pas occupé sur le moment de ce qu'elle m'a dit. On ne s'est pas occupé du tout. Et maintenant, vous faites confiance aux voyantes? Ah non, je ne vais pas les voir, figurez-vous. Mais vraiment, je pense qu'il y a des choses qui débordent un peu l'entendement. Et du moment que ça m'est arrivé à moi, je suis bien forcé d'y croire. Et elle m'avait donné des médailles. Je croyais que c'était des médailles saintes. Je les ai emportées. Moi, je ne pratique aucune religion. Je suis enferré avec aucun dogme, avec rien du tout. J'ai la foi. Mais une foi que je trouve en moi, une foi qui est plus immense qu'un compartiment de religion. Pour moi, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est l'amour, c'est la seule loi à laquelle je veux bien me soumettre, c'est la loi d'amour, c'est la loi de la justice, parce que c'est comme ça que mes opinions politiques sont allées tout à fait vers la gauche, parce que j'estime qu'il n'y a pas d'amour sans justice, et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup. Vous avez tout en vous, et tout pour vous, et tout à vous. La morale, votre morale, la religion, c'est votre foi. Oui. Vous êtes organisé un paradis personnel. Oui, et puis je pense que la meilleure façon de prouver sa foi, c'est d'abord de la mettre au service des hommes. D'aimer les gens qui vous entourent et même d'aimer les autres beaucoup plus loin. Moi, je suis révolté à l'idée qu'il y a à l'heure actuelle des gens qui souffrent par des guerres, tout ça, pour leur sale pognon. C'est dégoûtant. Vous n'avez jamais triché dans votre vie? Non. Ça, je peux dire, je n'ai pas triché. Je n'ai pas triché. Pourtant, souvent, vous êtes entouré de tricheurs. Ah oui, j'en ai vu pas mal. J'ai gardé les histoires pour moi, parce que j'ai gardé tout ça. Vous savez, il y a des choses qu'il ne faut pas démolir. C'est assez quand elles sont démolies vis-à-vis de soi-même. Admettons que vous croyez à la réincarnation. Qui voudriez-vous être si vous reveniez sur la Terre? D'abord, je ne voudrais pas revenir sur la Terre. Ah bon, c'est une chose dite. Ça, c'est une chose certaine. Je voudrais aller dans une planète où il n'y a pas de fusil, pas de couteau, pas de scie pour scier les arbres. Je ne voudrais rien de ce qui détruit. Alors, je ne sais pas si elle existe parmi les milliards de planètes qu'il y a, mais enfin, vous voyez que la Terre ne correspond pas à mes aspirations futures. Vous ne pourriez pas recommencer la vie que vous avez eue? Il faudra en trouver une autre. Elle serait comment, cette autre vie? Ben, j'espère qu'il y aurait d'autres aventures que je pourrais tenter. Notez bien que je ne recommencerai pas ma vie en pensant à ce que j'ai dû passer. Mais je suis très capable d'aller au-devant de nouvelles aventures qui seront aussi terribles. Mais revivre celles que j'ai vécues, ah non! Il y a quand même quelque chose de paradoxal. Vous me dites, j'aime la liberté, et la manière dont vous le dites nous fait croire que vous allez jusqu'au bout de cette liberté. Mais je suis obligé de reconnaître que vous êtes marié, donc vous avez perdu votre liberté. Ah non, moi je regrette non, beaucoup. Non, à votre stade. Hein. Je regrette beaucoup. Ah, j'écoute. Moi, je, pas du tout. Le mariage, pour moi, ça a été un immense amour, vous comprenez ? Mais un amour rempli de liberté. Dans la vie, on peut avoir un grand amour et des amours sauvages. Ça n'a rien à voir. Parce que quand on aime vraiment quelqu'un, ça finit, je crois, par dépasser ce sentiment qu'on se fait de l'amour. C'est une tendresse qui, je n'ai pas d'enfant, je vous l'ai dit, mais qui doit se rapprocher de l'amour qu'il existe entre une mère et son enfant. Pour mon mari, j'étais capable de lui donner un œil s'il fallait pour le sauver, de faire n'importe quoi que je n'aurais pas fait pour d'autres, bien sûr. Il ne faut pas considérer que le mariage est une prison, il s'est dit. Oh non, je ne veux pas considérer ça du tout. Peut-être avec la morale actuelle. Non, pas du tout. Alors ça, je trouve que c'est absolument ridicule de s'enfermer dans un amour physique absolument restreint. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un geste, c'est tout. Ça n'a vraiment pas d'importance. Adrienne Bolland, à 77 ans, vous avez le droit de rêver encore. Oui. Alors quels sont ces rêves? Ben, vous savez, maintenant je rêve un peu pour les autres. Parce que moi, je suis passionnée par chaque événement qui se passe. Toujours curieuse. Ah oui, oui, ça je suis. Heureusement que j'ai ça. Vous voyez, je m'intéresse à tout parce que j'ai quand même, dans cette vérité que je me suis faite, je me suis fabriqué un monde. Je sais très bien que tout est évolution, que les choses ont l'air de ne pas bouger, mais qu'elles bougent. Et ce qui me plaît, c'est que je pense qu'elles bougent dans mon sens. Au fond, les grands courants sont toujours établis de façon permanente, n'est-ce pas ? Alors, il peut y avoir des périodes où on a l'air de stagner, mais en réalité, on reprend du souffle pour aller plus loin. C'est merveilleux, ça. Il y a sans doute en ce moment des femmes qui vous écoutent et qui ont votre âge et qui se disaient c'est fini, elles doivent reprendre de l'enthousiasme. C'est-à-dire, si elles n'en ont jamais eu, c'est pas maintenant qu'elles vont le prendre. Hein. C'est une permanence. Hein. Ça, on vient au monde, je crois, avec cet enthousiasme en soi. Et puis, c'est pas une chose que l'on peut acquérir, on l'a ou on ne l'a pas. Oui, mais la désespérance peut venir à partir du moment où l'on pense au vieillissement. Ça, j'avoue que ça, c'est une chose horrible. C'est une chose horrible, mais je pense qu'il peut m'arriver demain quelque chose qui mettra un terme à cet état dans lequel je peux pas dire l'état dans lequel je suis, parce que quand même, je ne suis pas encore ni estropié, ni... Je peux encore sauter, courir, danser. Vous dansez? Pourquoi pas? Pourquoi je ne danserais pas? Vous pouvez dire, vous, Adrienne Bolland, je ne regrette rien. Moi, je fais du yoga tous les jours, je fais de la gymnastique tous les jours. Et je suis sûr que si je veux faire des mouvements avec vous, j'en ferai peut-être que vous ne pouvez pas faire. À l'instant, vous avez reçu un message. Oui, je viens de recevoir un message de... Approchez-vous un peu du micro. Hein. Un message de Joseph de Cracker. Je suis très contente qu'il se rappelle de moi parce que ça date de tellement longtemps, notre rencontre. C'est quand même... vous voyez, c'est une chose très touchante pour moi. Vous ne l'aviez pas vu depuis combien de temps? Oh ben, je ne l'ai pas revu depuis 21. Depuis 50 ans? Oh oui, ça fait 50 ans. Vous allez vous revoir? Ben, je n'en sais rien, je n'en sais rien. Adrienne Bolland, nous avons parlé de toute cette époque, de cette année 1921 que vous venez de rappeler, cette année pendant laquelle vous passiez la cordillère des Andes. Mais pour en arriver là, pour l'expliquer, il faudrait peut-être revenir à votre enfance. Comment vous est venu ce goût de l'aviation? Oh, mais pas du tout venu comme ça. J'ai pas entendu de voix, je n'avais pas la vocation. Mais des parents peut-être qui vous en parlaient. Mais pas du tout, pas du tout. Mon père était un intellectuel anti-sportif. Et... Alors, vous savez, je n'ai pas été élevé dans ce genre d'idées. C'est moi quand j'ai décidé de faire de l'aviation parce que je voulais faire quelque chose et que je voulais prendre une carrière dans un endroit qui était peu encombré par les femmes. Alors il y en avait à ce moment-là qu'une qui était la baronne de La Roche et elle venait de se tuer. Alors il n'y avait plus personne, c'était pas encombré, je suis rentré. Vous étiez un garçon manqué. Ah oui, ça j'étais absolument terrible. Moi il ne fallait pas me parler de poupées pour jouer avec des poupées. Vous saviez tricoter ? Vous saviez faire la cuisine ? Oh, ça, je m'en fiche complètement de la cuisine. J'aime pas manger. D'ailleurs, une jeune fille bien élevée... Ben oui, mais moi pas. J'ai refusé tout ça. Ça m'intéressait pas. Dès votre enfance, déjà, vous étiez en marge. Ah oui. Oui, oui. Oh. Dans les pensionnats où je suis passé, j'ai fichu le camp, j'étais... Bourg-la-Reine, l'institution Vallée, qui existe encore. Eh bien, un jour, j'ai vu la porte ouverte, c'était tentant, je suis parti à pied, parce que j'avais, à ce moment-là, vous savez, c'était pas gai, les pensions ni les écoles. On avait le tablier noir obligatoire. Là, je suis parti avec mon tablier noir, j'étais une bonne marcheuse, et je suis arrivé à pied à la maison. C'était le goût de la nature et des voyages ? Ah oui, ça, j'ai toujours dit. Ça, mes parents l'avaient aussi. Avec mes parents, j'ai voyagé beaucoup. Pas de grands voyages à l'étranger, mais j'ai connu avec eux, je peux dire, parfaitement la France, sous tous ses azimuts. Vous avez étudié toutefois ? Ah oui, mais mal. Parce que, vous savez, moi, en dehors de quelques années de pensionnat que j'ai eu une institutrice particulière. Et ça m'arrangeait parce que j'étais ni la première ni la dernière, j'étais rien du tout, mais je foutais rien. Rien, ça m'intéressait pas du tout. Mais j'étais une très mauvaise élève, très, très. Ne rien faire, ce n'est pas tout de même un conseil que vous pourriez donner aujourd'hui. Ah, non, les choses ont changé. Non, non, du reste, vous savez, on voit par la suite, il faut absolument un bagage dans la vie. Mais je ne sais pas si la façon d'en fourner un tas de choses dans l'esprit des enfants, si c'est la bonne manière de leur faire aimer le savoir. Je ne crois pas. Moi, je vois beaucoup de jeunes, je les aime beaucoup parce que la plupart des gens que je vois ne sont pas du tout des gens de mon âge. Je vois des jeunes. Je les aime beaucoup et je m'entends très bien avec eux et je m'amuse beaucoup, je m'amuse follement avec eux. Pour vous, Adrienne Belin, à quel âge est-on jeune ? Vous savez, vous feriez mieux de me dire à quel âge on est vieux parce que... Alors la question est posée. Oui, ben... Vous savez, je vais dire le moment crucial pour une femme. Eh bien, c'est quand elle sait, elle est certaine qu'on ne lui manquera plus de respect. Alors là, elle commence une autre étape. C'est le moment dramatique. C'est le moment dramatique. C'est un moment qu'il ne faudrait pas vivre. C'est un moment affreux. En tout cas, je parle pour moi, les femmes auxquelles on n'en a jamais manqué dans ce pays. Vous avez toujours eu le goût du risque de ce côté-là. Ah oui, oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Vous n'étiez pas une jeune fille tout à fait comme les autres. Alors, j'étais pas du tout comme les autres. On dit que j'étais un cas, vous savez, et puis à ce moment-là, les filles, rien que parce que c'était des filles, elles avaient en elles une sorte de soumission, elles passaient de la famille au mariage, et puis c'était comme ça, mais moi, je vous dis, j'ai fichu tout ça en l'air. Enfin, vous n'étiez pas une jeune fille comme les autres, vous n'avez pas été une jeune femme comme les autres, non. Et vous n'êtes pas une dame comme les autres. Non, jamais. Comme les autres. Je ne deviendrai jamais une dame patronesse, ça, c'est tranquille. Cette société vous va bien, tout de même ? La société de maintenant, mais je suis tout à fait dans la contestation. Parce que ce n'est pas la société que je rêve. Ce n'est pas du tout ça. Qu'est-ce que vous voulez ? Je ne peux pas changer tout, moi, toute seule. Peut-être pas dame patronesse, mais dame suffragette. Vous savez, maintenant, il faut que les mouvements s'amplifient un petit peu. Il faut que ce soit de gros mouvements auxquels vraiment je m'intéresse et qui changent les choses. Enfin, je vis dans cette espérance, même si je ne dois pas les voir. Parce que ce qui me dégoûte, c'est de penser, je connais des gens qui sont soi-disant pleins de bonté, qui sont charitables. Mais ces mêmes gens qui sont charitables, quand on vote une loi qui va avantager un petit peu les humbles, eh bien ces gens-là, parce qu'on va leur prendre un petit peu d'argent en plus sur leurs impôts, ils se révoltent et ils se disent plein de bonté. Ce paternalisme me dégoûte. Vous êtes pour un ordre nouveau? Ah oui, je suis pour une justice, non, je suis pour la liberté aussi. Alors jusqu'ici, on saute à un peu plus de justice avec... Fini la liberté. Alors ça me plaît pas non plus. Je suis allé. Autrefois, Adrienne Belland, vous étiez insupportable sur Terre. Vous l'êtes resté un peu, et vous l'avouez d'ailleurs. Mais lorsque vous étiez à bord de votre avion, au-dessus de la Cordillère des Andes, vous étiez très humble et très timide. Ah oui, bien sûr. Qu'est-ce que vous voulez? Au fond, on se sent si peu de choses quand on est à la merci des éléments. Non seulement des éléments, mais... il fallait si peu de choses. Ce moteur, je crois que c'est la première fois où il avait tourné 4 heures sans s'arrêter. Alors, j'avais pas à crâner lorsque j'étais dans la Cordillère. Et je n'ai jamais dit que j'avais crâné. On est très différent à terre et, ah oui, et bon, là-haut. Oui. Mais vous savez, là-haut, je vous assure, j'étais très différente. Et c'est l'aviation qui m'a fait vraiment découvrir... cette chose qu'on a à l'intérieur, ce royaume intérieur, qui est une chose qui existe, mais qui ne se révèle pas toujours. Alors là, c'est une chose qu'on ne peut pas vous prendre. C'est n'importe quel régime, personne ne me prendra ça. Le général Barthélémy, qui vous a consacré plusieurs pages dans son livre aux éditions France Empire, Le Temps des Hélices, dit, et je le répète, que vous êtes irrévérencieuse, vous l'êtes toujours. Ah oui, je suis toujours. Pourquoi voulez-vous que je change? C'est votre carte de visite. Moi, je ne veux être manquer de respect à personne. Je parle comme ça, je suis comme ça. Les gens doivent m'aimer comme je suis ou ne pas me voir. Vous êtes très bien comme ça, madame. Merci, Adrienne Belland.